suis une femme, mi-lune, mi-homme. Une anagramme, un erratum. On me dessine, on me façonne. Je vous fascine, ça vous étonne. J'ai le cœur qui syncope, l'adrénaline me tope.